que on va vous mettre le feu, bonne dame. Ah, vous voulez me test, bande de fils de pute, tu l'as là. Moi j'évite les potes qui parlent en traite, qui sont pleins de blabla. Je remets une couche, qui va faire tout ça, ça. Jalouse, t'aimes pas Joule, il va faire boussa. C'est pour les petits en repérage qui prennent ta voiture au feu rouge. Qui s'en battent les couilles des flics qui opèrent avec les yeux rouges. Ils n'ont pas fait le quart de ce que j'ai fait, ils disent que je me la pète. Combien fois les voyous, combien j'en ai vu baisser la tête. Mes potes ils ont fait tout, ils rentrent chez toi comme Spiderman. J'ai le guetteur et en cas de poursuite, t'as le poteau sur le Berman. J'aime pas la personne qui sort de tol, qui fait le voyou, n'en parle à personne. Je t'ai vu te cacher dans le Porsche Caillou, aïe, ça consume sur le joint d'IA. Je m'en fous des gens qu'il y a. Je monterai pas sur un coup, même si peut me rendre plus mignon. Parce que le sourire de ma mère vaut plus cher 10 millions. Je traîne qu'à la thèse, sont à fond dans la caisse. Je me prends pas la tête, je regarde, j'écris dans mes textes. Je fais pas la star, mais là, on dirait que tu m'agresses. Suffit d'une patate pour me faire remarquer dans la presse. Je respecte le MC que s'il me respecte. J'ai tellement de buzz que ces bâtards ils m'inspectent. Moi j'suis comme un médaille, mon sang te pique comme l'insecte. J'ai connu la galère, savoir qui veut faire 5-5. Il dépasse le 3-5-7, l'ami me fait la sexy. J'aime quand y'a de l'action, gros il en faut pour que m'excite. Au ton regard comme j'casse des gueules, peux me refaire ça m'est égal. À quoi il sert ton arme si avec t'as pas les balles. J'suis avec mes potes mais j'vis seul. Allez c'est moi, faut que j'm'isole. Ils m'ont pris pour un fou quand dans le clip j'ai mis la camisole. Tous les petits fous en cross sur la voie rapide en manque de chicots. Qui vendent les shit, qui guettent et qui bigolent. Oh, j'proto, j'm'affole, ça se trahit, ça se rafale. Y'a le frérot en tol pendant qu'elle fait la folle. Sa femme, BZ, raquette, faut des sous. Et frites sur la plaquette que j'm'envole comme Clark Kent quand j'désoule. T'as trop faim de plaisoul, d'argent tu m'désoles. Trop par les nuits et tu peux finir je ne sais où. Tu changes comme les saisons, ferme ta gueule, t'as pas raison. En plus ta mère dit que tu fais le bandit à la maison. Ok tu braques, ok tu voles, ok tu tires. Mais qui va te payer l'avocat pour te faire sortir? J'suis pas ce mec moi qui met son nez dans la coco. T'as fait une faute, ben faut que tu parles mon coco. J't'aime bien mais un poco. Tu parles de moi t'as l'ancienne comme le survêt de croco. J'fais du son de qualité et j'sais que tout va vite. Est-ce que tu me reconnais t'as capuché dans le 3 litres? Gros, ce soir j'ai plus 3 litres. À ce qui paraît quand j'suis pas là y'a le quartier qui se vide. Y'a le quartier qui se vide. Y'a le quartier qui se vide. J'suis pas le vito, j'vis dans ce monde de mytho. J'vois les petits cons faire des mi-temps, vendre le shito. Mais oui, ils le sentent, les coups de métho. Faut faire des sous, c'est pas récent, faut remplir le frigo. J'fais ma route avec des hauts et des bas. Et puis si un jour je tombe, ben j'irai pas plus bas. Mais qui t'a dit que le rap ça paye pas? Les gens lancent des firatales pour jouer bito aux Pays-Bas. J'ai fait trembler la France à l'aide d'un ordi. Avec un flow de fou, une voix sortie de l'ordi. Si le rap c'est le quartier, tu dis que l'essence interdit. Pour Barbas, prends ça comme une menace si on t'avertit. Ça fait qu'un an que de la galère je suis sorti. Quand je sors au check, j'ai l'impression de marcher sur des orties. Quand tu foulard, fais-moi le sang que je puisse amortir. Reprise de voler dans la tête quand l'album va sortir. Quand je suis en showcase, je serre les femmes douches. C'est pour Benjamin Mendy, on connaît pas le banc de touche. Ce son est violent, comprendre un 3-0. T'affole pas si un jour tu me vois passer en F4-3-0. Fais pas le gros t'as zéro, si on t'écoute un zéro. Ton son il passe mal comme un whisky coca zéro. Tu veux freestyler? Je veux te glacer comme Sub-Zero. Tu me veux dans ta boîte? Il faut au moins 4-0. Moi je rappe pour les frérots et les gars dit à la marche. Je connais des gens, ils voleront toujours, ils iront jamais au taf. Mes potes je les aime, ils le savent. J'aide quand je peux. Y'en a ils font style qui t'aiment, mais ils restent qu'entre eux. Ma voix c'est une calache, je tire que des disques d'or. Depuis que j'ai envoyé l'album gratuit, ils peuvent plus dire que je dors. Je viens de là.